بسم الله الرحمن الرحيم. فالآن إن شاء الله سنصوب بالتدريبات إن شاء الله تعالى. سنمشي إلى هذا برنامج سبت كوا. un jour درس et quelques exercices et lendemain correction. بس. un jour درس quelques exercices lendemain correction. سن اليوم سنصوب بالتدريبات فقط. تمام؟ فقط. Et c'est besoin de approfondir, on approfondit, Inch'Allah. J'ai pas le temps de faire. J'ai pas le temps de. Qu'est-ce qu'on fait? Tape. Prends le bâton. La chose de la assa. Hein? La chose de la assa. Y'a pas Omar. Inch'Allah, la raka compte à ma choule. Donc on avait dit quoi comme tadribat? Awalan asalukum an kalimat kadhalik. Alaykoul kutub, on interroge sur les mots. Après on prend les exercices qu'on avait à faire pour aujourd'hui. La kutub tu'alaq. Alaykoul kitab. طيب. أعد يعد أعدت ورقة préparée مذياع ما هو المذياع راديو جورب جم جوارب ما معنى جورب حذاء نعم طيب بس المكبلات دوجورد الان ناخذ التدريب الرابع وعليكم السلام كاتريم اكزرسيس كيتي دو ريبوند اون كيستيون يقول من اين اشتريت القميص الذي تلبسه الان دو تو اشتري القميص كو تو بورت ماتنون ما هو جوابك في وسط المدينة. أيوة. القميص في ميدو لابي. بكم اشتريته عندك؟ كم يا تبيع؟ 20 ريال. 20 ريال. لا قال بكم؟ quand tu dis بكم, tu dois répondre بي. بي. بي. بي. لا. بعشرون كم عشرون؟ عشرون الواو اللي مرفوع. لا يا حرف جار دوت مجرور ملحق بجم مذكر سالم quand il est majrour c'est comment c'est quoi علامه الجر tu dis رايت سلمت على المسلمون tu dis quoi سلمت على على c'est quoi le اسم جار quand جم مذكر سالم Quand le Hafez Jal rentre dans un Jam Zakar Salim, c'est quoi sa marque? Comment tu vois qu'il est majrour? Sallamtu ala al-Muslimun? Ala Sawad? Tu dis comme ça? Tu dis comment? Sallamtu ala? Tu sais pas waouh, c'est quoi? Tu sais pas waouh, c'est quoi? Si jamais tu mets pas un waouh, tu mets quoi? Waouh, c'est pour le raf. Là, il n'est pas marfou, il est majour. Donc, tu mets quoi à la place du waouh? Aya, à la muslimine. Donc, ishroun, c'est pareil. Donc, tu dis bi. Bi. Bi ishroun? Non. Bi. Neuf sachets, comme tu dis pour musulmoun, tu dis pareil là. C'est pas un waouh, c'est un. Donc, tu dis. Ishrin rialan. Aïe. Vu que je t'arrête, t'as coulé bi ishrin rialan. طيب ثالثا هل يوجد سوق بالقرب من بيتكم سكيا سوق قد votre maison toi la phrase évite le takrar, la répétition. Prends la légère la phrase. Tu dis la yujad. C'est comme si on te dit, est-ce qu'il y a un souk proche de la maison? Tu dis non, il n'y a pas de souk près de, proche de la maison. Même en français, c'est lourd. En arabe, c'est pareil. Tu te contentes de l'essentiel, tu dis la yujad. Est-ce qu'on peut dire il n'y a pas. Est-ce qu'on pourrait prendre ce mot par nam? Tu peux dire nam? Tu peux. Amjé, tu viens avec une phrase khafifa. Les répétitions, tant qu'on peut les éviter, on les évite. Mata tufaddilu al-dhahab ila souk naharan aw laylan. Quand préfères-tu aller au souk, de jour ou de nuit? Il a pas dit mata tadhhab. Il a dit quand tu préfères. Il a pas dit quand est-ce que tu y vas. Parce qu'après ils mettent en même temps l'imada. Ça c'est une autre question. J'ai voulu faire le James des deux questions. Voilà, mais c'est que là tu lui as pas répondu que les temps qu'il voulait que tu emploies. Il a dit mata tufaddil al-dhahab. T'as cool? Ou faddil? Tu reprends le même verbe. Ou faddil? Salen? Billayl. Billayl, hein? De nuit. Après tu dis li anna. Après tu veux que la deuxième réponse. Limaza, lienna. Lienna shamsa, mathalan. Kouiya fin nahar. Car le soleil est fort dans la journée. C'est ça que tu as voulu dire. Oui, oui, moi j'ai mis lienna. Le Joud al-Shams. Li Joud al-Shams. Si tu dis Joud al-Shams, les gens vont dire, bah, alhamdoulilah qu'il y a Shams. Il faut dire pourquoi. Parce que le Shams, ça donne les Kouiya. Aïe, ouais. Ma chambre, son nom qui est Shams. Aïe. Min aïna j'tarayta el hadiyya. J'tarayta el hadiyyata qui hada d'okkani. Aïe, j'ai acheté dans ce d'okkani. Il y a mieux. Il a dit min aïna j'tarayta el hadiyya. Min. J'ai un rapport avec min. Ah non, ta réponse elle est bonne. Juste, t'as fait une phrase encore, faqila. Min bonna. Là. Tu dis Adamir à la place de Hadiya. Le de redire Hadiya, tu dis Ha. Shtaraytu Ha min kaza wa kaza. Arsène min, tu répètes encore Hadiya, ça fait répétition. En fait, au début, je pensais que c'était mieux d'utiliser par mot pour utiliser le mot. C'est pour ça que je fais la répétition. Là, tu veux quoi ta phrase, une phrase comme. Il y en a comme eux, ils font, qui soit arabiquement correcte, comme on dit. Il faut qu'elle soit légère. Et clair. Éviter les répétitions. Donc là, tu apprends à quoi? Ça veut dire à utiliser un domir. Tu vois? Shtaraytuha. Le haïr vient à quoi? À Hadiya. Aïwa. Tayyib, idha aradta an tuqaddima hadiyatan li sadiqik, fa ay hadiya takhtar? Si jamais tu veux offrir un cadeau à ton ami, quel cadeau tu choisirais? Ma wal jawab عندك c'est quel 6e Ou Qaddimu. Nukaddimu al-kitabi. Al-kitab. Al-kitab. Non. Tu dis sa Qaddim lahu kitaban. Kitaban. Aïwa. Sa Qaddim lahu kitaban. Mathalan. À part ta phrase, tu pourrais dire comme ça, toi. Kitaban. Kitaban, yani mansoub. Maful bihi. Non, non, non. Kitaban. Ou tu peux dire sa'akhtar kitaban. Tu utilises le verbe ikhtar yakhtaru. Sa'akhtar kitaban. Tu veux yukaddim comme on a dit. Tu veux akhtar, tu fais l'autre. Akhtaru lahu kitaban. Sabihan, mal malabisu allati talbisuha fi shita. Les vêtements que tu apportes en hiver. Malabisu ash-shatwiya. C'est ça qu'on a vu. Tu peux dire Al-Bisul Al-Malabis Al-Chatouya. Ou tu peux dire même Al-Chatouya toute seule, et un Takdir, c'est la phrase que tu as enlevée. Par exemple, tu dis Mal Malabis ou la titre Al-Bisoua Fishita Takul Al-Chatouya. Fakat Ay Al-Bisul Al-Chatouya. Et un Takdir, le verbe il a été enlevé pour rendre la phrase plus courte et plus légère. Est-ce que ça peut passer ça? Je vais y répondre. Tfaddal. Ana al Al-Bisou. Al-Malabis. الملابسة الملابسة ما قل به التي هي سخطرة التي هي تديكو كمو التي هي سخانة كي ريشوف tu peux dire plus court encore الملابس. Tu peux enlever l'ati ici, tu n'en as pas besoin. Tu n'as pas besoin, directement. Ah oui, tu fais une sifa, un art. Albis malabis sakhana. Ou tu mets le harra, chaud. Al malabis le harra, chaud. L'ati ici, tu n'en as pas besoin, tu peux t'en passer là. Tu viens direct avec le mot, barda ou sifa. À la tonne. Ça a le même sens. Et la phrase, elle est plus courte. Plus courte, plus légère, plus facile. Faminan, malforku beinaha wa beinal malabis et ses filles. La différence qui est entre ses vêtements et les vêtements d'été. Andak hadi. Annaha. Tan tuntin. Tan. La. Ma asabt. Tun. Takid. Limada. Tu connais l'arabe? Ça veut dire pourquoi? Alors comment tu sais que c'est un? Ouais, mais c'est pas une règle dans le. Là, t'as une phrase maintenant, c'est pas une règle à ce moment-là. En plus, je connais pas cette règle, c'est quel marfoua. Le as, c'est quel moukouf. Je connais pas cette règle, le as, c'est le marfoua. Le as, c'est quel moukouf. Tu vas peut-être trouver le mot marfoua. Mais la règle en soi, quand un mot tu présentes marfour, ça je ne connais pas. Moukouf, c'est-à-dire tu ne sais pas ce qu'il est, c'est quoi son hal. Allah, cette règle-là, je ne la connais pas, que le as, c'est qu'il est marfour. Al-Muhim, Al-Farku, Annaha, Khafifatun. Le Ahsan, tu dis Annaha, un mot que tu vas apprendre, Akhaf. Ism Tafdil, plus légère. Ada Ahsan encore. Mais ce que tu as dit, c'est correct. Mais tu dis Al-Aslu ou Al-Farku Annaha Akhafun Min Khafif. Akhaf, c'est le Ism Tafdil de Khafif. C'est-à-dire plus légère. Mais la question, c'est la différence entre le froid. Entre les vêtements d'hiver et les vêtements d'été. Dans les vêtements d'hiver, tu peux dire qu'ils sont plus réchauffés. Les vêtements d'été sont plus légers. Ou tu peux dire le contraire aussi. Lui demande Saifiya. Lui, tu précises Seyfiya maintenant. Il veut que tu précises les Seyfiya. C'est quoi la différence entre les Seyfiya? Entre l'été et entre le chouette. Entre les vêtements. C'est quoi la différence entre les vêtements d'été? Entre les vêtements d'été et les vêtements d'hiver. Ah, ouais. Moi, j'ai fait... Bah, en faisant ça, ta réponse, ça va être correcte. Mais tu vas revenir en arrière. Alors que lui, maintenant, il veut que tu précises par rapport aux vêtements d'été. Oui. Donc, ma question, elle est... C'est comme si demain, je te dis... Que préfères-tu comme couleur? Quelqu'un, il va dire... Le noir, par exemple. Et l'autre, il va dire, après on le dit, mais c'est quoi la différence avec le blanc? Tu veux dire, le blanc est plus clair. Tu ne vas pas revenir sur le noir, parce que le noir est plus foncé. Là, il te demande par rapport au blanc précis, non, c'est non, quoi parce que dans la, tu vois, dans mais la sinon, la réponse, elle est correcte. Non, mais dans la compréhension de la question, d'ailleurs, j'ai compris. La compréhension, elle est bonne. Mais t'as plus simple encore. Et Aouda. Mais la réponse, elle est correcte aussi. J'avais mis, moi, dans le sens, des vêtements divers. Réchauffer pour se protéger du froid. Ils sont plus chauds. Plus chauds. Naam. Je vais répondre. Donc on dit Annahu. Liennaha. Malabis, c'est Jam Aïl Aqil. Donc tu le mets en Mufrad Mu'annaf. Liennaha, c'est le Malabis. Liennaha. Ya Ami. Ya Amika. Ya Amika. Liennaha. Tah. Min Albar. Min Albar. Tahmika. Tahmika. Min Albar. Là, c'est pas un fort que t'as mis là. Là, t'as expliqué c'est quoi vêtement d'hiver. Lui veut la différence, c'est quoi? Comment tu différencies un vêtement d'hiver? Donc la réponse là, elle n'est pas dans le contexte. Pareil. Al-Khamis. Maintenant, c'est le contraire. Voilà. Najid al-Souel, anel Jawab. Awalan, Akifu Huna Mouzou Sa'atayn. Je suis là depuis 2 heures. Andek, Aba Omar. C'est quoi le Jawab, la question? T'as pas trouvé de réponse? Non, j'ai pas. T'as Andek. Mundu kem, kem c'est taqif? Là. Toi tu poses une question dans le futur et lui tu réponds dans le passé. C'est taqif. Ça c'est mustaqbel. Sin c'est mustaqbel. C'est le futur. Tu veux dire mundu mata waqaft. Je peux dire Akif, les deux tu peux les utiliser, mais le futur je peux pas. Quelqu'un tu lui dis depuis quand tu étais là, il va dire je suis là depuis Kaza Kaza. Par contre tu peux pas le dire depuis quand tu seras là, après il va dire je suis là depuis. Non, en plus je savais pas, j'ai mis un demandé à une minute, il me dit ça. J'ai été sûr un peu, il me dit ouais. Ah bah il n'a pas eu raison. Mundu mata taqif, yakul Akif, huna, mundu sa'atayn. Là, tu peux pas mal de futur là. At-tilfazu haramun. C'est quoi le souhel? Wahid yakul at-tilfaz haram. C'est quoi la question? La télé, elle est haram. C'est quoi la question? La télé est haram. Est-ce que la télé... Est-ce que la télé... Mahkoum tilfaz, ma falam. La discussion, ça n'a pas de sens. Quelle discussion? Dans le dialogue. On a dit, on sort de dialogue. Là, on veut une... Hukm shal'i. Je me suis dit, peut-être, il est dans un... Là, là. Télé, je lui ai dit, bon, je ne sais pas regarder la télé. Après, il dit, ah, bah non, la télé, c'est haram. Là, ouais. Vas-y, répète ta phrase. J'ai mis, ma la fa'alt. Parce qu'il est là depuis 2 heures, je me dis, j'espère que je vais arrêter de la télé. Ah, non. Après, il y a fondamentalement la télé, c'est pas. C'était pour essayer de faire une discussion en plein dialogue. Non, ma faute. Pas y. Allez, comme ça. Je préfère aller en car. Bissiyarati. Il n'y a pas de L. Bissiyarati l'Ujra. Non. Je préfère aller en bus ou en taxi. Ouridou nashtariya radio. Yani mizya'an. Je vais acheter une radio. Mada touridou. Là. La phrase ouah, mais là, t'as mal conjugué le verbe. Mada, là c'est Mada, Aïwa. Mada tous les deux. Aïwa. Un tachtari. Un tachtari. Pourquoi tu mets un domir à la fin? Là c'est un verbe moudari, il n'y a pas de tchèque. Un tachtari. Tu dis bel un tachtariya. Quand tu continues, il y a une fatha sur le ya. Parce qu'il est mansoub à cause du an qui est devant. Mada tous les deux, un tachtari. Pourquoi? Akoul, ou les deux, un tachtari à radio. Mizya'an. سأقدم الهدية لأخي الأصغر. Je vais donner le cadeau à mon petit frère. عندك فين؟ لمن ستقدم الهدية؟ أحسنت. À qui tu vas donner le cadeau؟ سادسا. نعم وجدت الحذاء المناسب. Essaie de la faire celle-là. Oui, j'ai trouvé la bonne chaussure. Facile. سؤال العقل qui vient avec نعم. Voilà, là. Avis avec une seule forme de interrogation. C'est là, ma. Là. Quand tu réponds par oui ou par non, c'est qu'il y a une seule forme de question qui vient. Elle n'est pas compliquée. Est-ce que? Donc comment tu dis en arabe? Lima. Hein? Mada. Non, là. Limada. Là. Limada, c'est pourquoi. Tu ne réponds pas par oui ou par non avec un pourquoi. هل أو أ إما حمزة أ فعلت كذا وهل فعلت كذا لدو سيباري أيوة هل أقول شو مثل المم فرز ما هو فرم التوغاتيف وجدت الحذاء نعم أيوة أسكت تروي لا بون شوسير نعم تروي لا بون شوسير اشتريتها بخمسين ريالا إذا اشتريت ب 50 ريال بكم اشتريتها بكم اشتريتها اشتريتو اشتريتها لا هي rien quoi dormir avec quelque chose on peut pas on est qu'un dormir sans dormir lui t'a dit اشتريتها ب 50 ريال le هي rien quoi le ها tu sais dans ta question الحذاء اذا refait la question avec الحذاء بكم اشتريت الحذاء اشتريتها ب 50 ريال مي كوم جي دي جي ان دوت الحذاء مذكر مؤنث جي بلو جو سي با تمام ثم قال ساشتري السراويل والقميص من السوق جو اشتري السراويل والقميص في السوق ما هو السؤال امبروفيز من اي اتاشتريت attention toi tu rentres le mot d'aller le mardi ensemble c'est où modalia ou mardi ne mélange pas les deux là, ensemble là on est modalia là il dit ça achetari il te parle mustaqbal donc c'est quoi la réponse forcément c'est mustaqbal aussi donc min aina aina ça ach là il te dit à toi toi tu réponds moi ça achetari ça achetari al al sarawil sarawil wala qamis aywa min aina ça achetari السراويل والقميص تقول سأشتري البنطلون وقال البنطلون القميص من السوق لا il veut pas le dormir c'est pour peut-être la question mais en vrai il mettrait pas toute cette phrase là si tu lui disais min aina satashtari as-sarawil wal qamis toi tu répondrais sa'ashtari huma min as-souq mais là il met pas le dormir pour que tu saches de quoi il parle فهمتم mais en vrai dans le kalam dans le parler il répéterait pas dans la réponse القميص والسراويل من جديد il va mettre un damir mais là pour que tu saches de quoi il parle c'est pour t'aider c'est tout طيب تاسعا اعد حقيبتي قبل السفر je prépare ma valise avant le voyage عندك سفيان peut-être moi je répondais j'ai متى تعد حقيبتك تمام quand prépares-tu ta valise prépare ma valise avant le safar اضع فيها كل ما اريده j'y mets tout ce que je veux c'est quoi la réponse la question plutôt min là c'est pas min il dit اضع فيها كل ما اريده j'y mets tout ce que je veux donc c'est quoi la question qu'est-ce que tu veux بالعربية qu'est-ce que comment tu dis en arabe tu l'as dit tout à l'heure maza ah, maza ah, tu avec le même verbe sauf que tu mets un maza tadaw tadaw aywa fi fiha fiha c'est wada à la base pas de quand il est conjugué vous devez aller le waw est-ce que تضعوا نعم فيها بس على الباز on sait qu'on parle du حقيبة avant donc pardon de le répéter طيب السادس استعمل كل كلمات من كلمات التالية في جملة مفيدة emploie les mots suivants dans des phrases مفيدة القميص منذ أعد راديو يعني مذاع استعد ينتظر قدم هدية سهل تفضل ايش عندك ها عادي فتح حوار اقرا لازم عندك السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته انتظر كم ساعه اسريا الدكان سيكون مغلقا قريبا نعم عفوا اعددت وكتبت ماذا تريد ان تشتري أريد سأشتري لا أريد أن أيوة أريد أن أشتري أريد سأشتري هذا ما يوجد la liaison entre deux verbes se fait avec أن et le deuxième les منصوب avec une فتحة à la fin ou alors ce qui remplace la فتحة سأقدمه ça que tu veux, le camis, tu veux l'enfant un cadeau. Là, pour que tu mettes le mot avant hadiyatan. Le mot que tu veux mettre en cadeau, tu le mets avant hadiyatan. Midya'an hadiyatan. Hadiyatan, il vient pour expliquer c'est quoi que tu veux. Ce serait en cadeau. أقدم هدية أقدم مذيعا هدية لأخي يريده من زمان طيب je dirais oui ou non oui ton حوار est correct et non t'as pas respecté les conditions de l'exercice et là j'ai bien précisé vous prenez les mots comme ils sont en même temps qu'ils sont changez pas le sens par exemple عدا il a pas dit عدت tu viens avec عدا القميص tu dis pas قميص tu dis القميص Je vous l'ai dit, vous mettez les mots comme ils sont là dans le, dans le, dans le, dans la liste. Comme ils sont venus. Et toi, tu les as changés. tu les as rentrés dans ton moule. Et bien moi, je veux que toi, tu rentres dans leur moule à eux. C'est-à-dire que tu arrives à prendre ce mot-là et tu le places dans une phrase comme il est venu là. Pour voir vraiment... La question est correcte. La question est correcte. C'est pas si Macboul. مستقبل سأشد. طيب، شوف أنا جوفي بلوس ستريكت. تفضل. القميص والملابس المسلمين. القميص هو الملابس لا، parce que ملابس c'est un jam. القميص c'est un مفرد. Tu veux dire القميص من ملابس. من ملابس. أو من أو القميص لبس المسلمين. Ah, ma huwa al malabis, c'est parce que t'as un huwa devant, après t'as le malabis qui est jam, et huwa c'est un mufrad. C'est min. Min malabis, c'est le muslimin. Tamam. Deuxième, j'ai pris deux mots. Tant, j'ai dit même si vous me mettez dans une phrase entière, tout, amché. Comment on dit Tanata zilu munzu sa'atin ta'in. Ah, sa'atin, wahida, tu veux dire Al-Afilat. Aïd. On commence, on dit la phrase. Tantazilu. Ayo, Anta, ayo. Munzu, Sa'atin. Al-Afilat. Al-Hafilat. Karata. Tantazilu, Tayyib. Tu attends le bus depuis 2 heures. Depuis 1 heure, en fait. C'est bon? Non. Ouredou. Un achteri. Non, mais je l'ai écrit. Tamam. Un achteri. Adiya. Ah, pas respecté. J'ai mis li kaddam. Li? Li kaddam. Qu'est-ce que li kaddam? Pour donner. Là, tu peux pas, là. Li rentre pas dans... Tu peux pas rentrer, là. Là, dans le verbe... Mardi, tu peux pas. C'est le verbe mardi, tu peux pas. Un mot d'aller, tu peux. Un mardi, tu peux pas. Donc, je pense que ça va être là. Le reste, je peux pas arriver. Recommence ta phrase. Uridu an ashtari. Adiyatan. Li ou koddimuha. On va te la donner comme on a fait. On était souple avec Sofiane. Ce ne serait pas d'ad quand on dit li ou koddimuha. Li ukaddimuha. Li. En fait, le verbe c'est. Li kudda. Là. Tu peux pas dire comme ça. Le verbe c'est koddama. Tamam. Ça c'est au mardi. Au mudali avec ana, tu vas dire ukaddimu. Ukaddimu. Et avant ça, tu rentres le li, qui veut dire pour. Donc tu vas dire li ukaddimu. Fakat. Li ukaddimu. Li ها نعم ايوه الهديه لو هي غير هديه ليقدمها ايوه اختي يقدمها لاختي تمام après ça achèterai quand tu mets le ta ce ta là c'est ta fa'il il vient que au madi il vient pas au mudari إلا سأشتري سأشتري سأشتري نعم مزياعا نعم أقدمها أقدمها أقدمها هدية لا تعرفي لي ميم مو نعم أقدمها tu l'as mis tout à l'heure et هدية tu l'as mis tout à l'heure. Non, ça c'est j'ai mis en plus, mais c'est pas moi. Je cherchais la radio. Ah, attendez. Thumma. Et après j'avais rajouté li waladin. Li waladi. Li waladi. Pour mon fils. A ada. Kulli akibati li safari. Aïd, j'ai pas compris. Omar. Omar. Omar. Adda. أعد أعد أيوة أعد كل لا كل كل أكيباتي أكيبا حقيبتي أكيباتي للسفاري للسفر عمر أعد كل حقيبتي للسفر نعم شفت بدي كل ما في حقيبتي للسفر لا بس أيوة. Et par contre, j'avais préparé, j'avais pas préparé. Ista'ada. Ista'ada. Il n'est pas assez ista'ada. Ista'ada, se préparer. Ouais. Non, se préparer. Ista'ada. Je me prépare. Non. Sortez tout sur ista'ada tout. Ista'ada tout. Okay, là, on veut ista'ada, on veut pas ista'ada. Ista'ada. Dis Omar. Ista'ada Omar. Ista'ada Omar. Aïwa. للسفر فقط. عمر سكوا بعير للسفر. سهل. سهل أيوة. تبى تروي؟ سهل. سهل. سهل. سهل. سهل. سهل. سهل. سهل. سهل. سهل. سهل. سهل. سهل. سهل. سهل. سهل. سهل. سهل. سهل. سهل. سهل. سهل. سهل. سهل. سهل. سهل. سهل. سهل. سهل. سهل. سهل. سهل. سهل. سهل. سهل. سهل. سهل. سهل. سهل. سهل. سهل. سهل. سهل. سهل. سهل. سهل. سهل. سهل. سهل. سهل. Qu'est-ce que ça veut? Ça veut dire facile. C'est l'axe de Saab. Moi, c'était Saab. Là, Sahel, ça veut dire facile. Ada, c'est facile. Ada, ça. Mana Yusr. Moi, j'aimais ça. Aïe, Taïb, Afwan, Ta'akhartou, et Annani, Masta'atou, Moubakkaran. Mais Sahel, Aïe, là. On est tranquille. Ouais, c'est pas grave. Ça coule Sahel, Taïb. Kazadik. Taïb, ou l'akhir? السابع لا سميت لي مو دون لي ترو عندنا اختي اعددت سراويل منذ ساعه كوميه سي منذ شهرين وانا افكر ماذا أشتري لسا لي أسرتي يسرتي وأصدقائي أصدقائي أصدقائي نعم أصدقائي نعم traduis la phrase depuis un mois et وأن أفكر je pense réfléchis. Je réfléchis pour acheter. Maza, qu'est-ce que? Qu'est-ce que je vais acheter? L'usrati. L'usrati. Usra, c'est quoi usra? El zouja ou el awled. Pour la famille. La famille. Qu'est-ce que je vais acheter pour la famille et mes et mes amis. Ahsant. التي بعدها يا صفيان. وقبل السفر إلى بلادي بأسبوع أعددت كل ما أريد شراءه في ورقتي. ترجم. Une semaine avant le voyage vers mon pays, j'ai préparé tout ce que je voulais acheter dans un papier. ثم ذهبت إلى سوق واشتريت وش quand il y a un wow et après un hamza te wasl tu fais une liaison avec la lettre derrière واشتريت إذا أن نعم لي أختي و ساعات لصديقي صديقي و سراول لوالدي والدي ترجم. Ensuite je suis parti je suis parti au souk et j'ai acheté des chaussures pour ma sœur, un sarwal pour mes amis. Mon ami. Et tu avais dit une montre pour mon ami. Une montre pour mes amis et un sarwal pour mon père. Ahsant. خلاص هذا هو الذي اخذنا اليوم. انا كنت بهذا ان شاء الله وكل يوم سنمشي على هذا الترتيب. Un jour درس avec quelques تدريبات et le lendemain correction. تمام؟ طيب تستعدون للدرس غد. Pour le cours de demain, inshallah. Faites-le là, et le hamdoulilah.